Exercice 11, page 45. A. Le, ce, de, me, ce, c'est, te. B. Créer, bercer, neiger, rester, lever. C. Respecter, réveiller, essayer, refermer, dépêcher. D. Relever, dégeler, revenir, devenir, retenir, rejeter.